Pianissimo, je pianote et me révolte au gré des notes qui s'envolent. Et je gratte des cordes en pagaille, des mélodies s'affolent. La rue pauvre terrain de jeu musical, un bout de trottoir, il suffit de peu. Voûte céleste en guise de lumière, une ode à l'existence. Tout entière concert céleste à la lune nous guette. Les étoiles se bousculent dans des petites choses qui partout nous entourent. Prendre le temps de vivre. Elle est seule et l'infime. Où elle est seule et l'infime. La la la la la. La la la la la la la. Un petit bonhomme qui se tord tel un mort sur les quatre cordes d'un grand morceau de bois qu'il tient entre ses doigts. Un peu de douceur dans ce monde. Des petites choses qui partent nous entourent. Prendre le temps de vivre. Et des soleils infimes. Elle est toujours bleue. Jamais il ne pleut. Bien sûr que tout n'est pas toujours rose, mais quelques vers en prose et deux, trois rimes malignes m'arrachent au train-train quotidien qui frappe à la porte du tout à chacun. L'addiction musicale, ma névrose vitale, notre valse à mille temps qui surgit du néant. Concert céleste à la lune nous guette. Un hymne à la joie,